Les sacrements, par Pierre Mille. Toutes les fois que la concierge voyait passer ce grand vieux devant sa loge, elle lui demandait « Madame Mazelin va-t-elle un peu mieux ?» Alors M. Mazelin secouait tristement la tête. Non, sa femme n'allait pas mieux. Elle était bien bas, de plus en plus bas. « Elle n'a pas encore 60 ans, M. Mazelin, » répondait la concierge encourageante. « Il y a encore de la ressource. » Il n'y avait plus de ressources. Et le pauvre homme le savait bien. Sa femme était perdue. Le pire même était qu'elle ne se faisait pas d'illusions sur son sort. Il y a de bonnes, ou du moins d'indulgentes maladies, parmi celles qui vous conduisent à la suprême fin. On ne se voit pas mourir, on ne se doute de rien. Mais d'autres qui vous disent « Tu ne m'échapperas pas, tu es condamné, tu sais. » Certaines maladies de cœur sont de celles-là. Leur langage est brutal, atroce, impérieux. Celui de la douleur fulgurante, aiguë, des étreintes qui arrêtent un instant l'organe, le bras. Et puis ça n'est pas encore pour cette fois. Il recommence de battre. Mais l'on songe, demain, ou cette nuit même, ou dans 10 minutes, il ne recommencera pas. Ce sera fini, et cela vaudra mieux. Je souffre trop. Cette nuit-là, qui était justement la nuit de Noël, Madame Mazelin sentit revenir l'angoisse terrible. Et puis encore une fois, cela passa. Depuis, elle demeurait brisée. « À la prochaine, se dit-elle, j'y resterai. Je n'ai plus la force de résister. Je désire ne pas résister. » Elle avait pourtant bien peur. Elle s'apitoyait sur elle-même. Et son mari, qui veillait debout à ses côtés depuis tant de nuits, s'apitoyait avec elle. Cela lui faisait un peu de bien qu'on la plaignît, le seul bien qu'on pût lui faire puisque la médecine n'y pouvait rien. Mais pourtant, qu'est-ce qu'il y a après la mort ? On ne veut pas, on ne peut pas supporter que c'est fini, tout à fait fini. Le noir, le néant, la dissolution éternelle. Madame Mazelin se mit à penser à des choses auxquelles elle n'avait plus jamais pensé depuis sa petite enfance. Elle n'était plus incrédule, ah, plus du tout. Ce serait si bon, si consolant, de croire ce qu'on vous a dit, qu'il existe des hommes, les plus puissants des magiciens, qui ont le pouvoir de vous ouvrir, d'un signe, les portes de la vie éternelle, et de faire que cette vie soit heureuse. Elle dit à M. Mazelin, « Amédée, je voudrais un prêtre. » M. Mazelin comprit, consentit tout de suite. Depuis si longtemps, il était sûr qu'il arriverait ce moment-là. Il réveilla la bonne, pour qu'elle prît la garde de la malade à sa place, mit son chapeau, son pardessus et sortit. Seulement, il était très embarrassé. Depuis près de 50 ans, jamais il n'était entré dans une église, excepté, comme tout le monde, pour les mariages ou les enterrements. Il se rendait bien compte qu'à 3 heures du matin, ce n'est pas au grand portail des églises qu'il faut frapper pour trouver un prêtre, lui demander de venir administrer les derniers sacrements à une malade. Son ignorance de ces choses était totale. Il ne s'était même pas marié religieusement. Madame Mazelin et lui s'étaient contentés de la mairie. En descendant la rue des Batignolles, il songeait à tout cela et se répétait. « c'est stupide, je sais à peu près où est l'église, mais une fois là, qu'est-ce que je ferai ?»« Ni les curés ni les vicaires n'habitent là, bien sûr, et leur adresse n'est pas dans le bottin. » En dernier ressort, il décida qu'il s'adresserait au premier agent de police. C'était une idée de Parisien. Les agents de police doivent tout savoir, l'adresse des postes de secours, celle des hôpitaux. Pourquoi pas alors celle des sacrements ? C'est un secours aux malades aussi, les sacrements. Mais il alla jusqu'à la place Clichy sans rencontrer ce qu'il cherchait. Dans son irrésolution, il se mit à tourner autour de la place. Par ce temps de pénurie de charbon, la lumière des becs de gaz était pauvre et triste. Elle éclairait à peine. Il était si tard que les derniers clients qui avaient réveillonné s'étaient depuis longtemps allés coucher. Les restaurants de nuit avaient fermé leurs portes, on n'apercevait plus une voiture, il tombait une petite pluie fine qui le glaçait jusqu'aux os. Monsieur Mazelin demeurait là, sous un réverbère, sans savoir où porter ses pas. La place était déserte, sauf pour une pierreuse qui faisait les 100 pas sous son parapluie, attendant un gibier qui ne venait pas. Ce fut en vain que M. Mazelin essaya d'éviter la rencontre. La pierreuse l'aborda. Les mots qu'elle prononça furent ceux qu'ils devaient être, ceux qu'ils sont toujours, et M. Mazelin fit simplement non, de la tête d'un air sombre, qu'elle en demeura interdite. Mais il était trop attaché à sa recherche, trop heureux de rencontrer un être humain, même celui-ci, il ajouta. « Excusez-moi, madame, je n'étais sorti qu'afin de chercher un prêtre pour une mourante. » Alors elle dit d'une voix sérieuse, peinée. « Oh, monsieur, je vous demande pardon. » Monsieur Mazelin avait les yeux à terre. Il vit que le bas de sa jupe, lourde de pluie, s'effrangeait. Les relevant, il distingua qu'elle était très maquillée et bien plus jeune. Elle demanda « Et vous ne trouvez pas ?» Il fit encore « Non, » d'un air découragé. « Je ne suis pas catholique, » dit-elle, protestante, « mais je crois que je sais. Venez. » Elle dit encore « Mettez-vous sous mon parapluie. » Pour s'abriter sous le parapluie, il lui prit le bras. Et considérant que son obligeance méritait du retour, il l'interrogea, ne voulant point rester muet. « Puisque vous n'êtes pas catholique, comment savez-vous ? Dans notre métier, dit-elle, on remarque beaucoup de choses en passant. » Puis ils causèrent de choses indifférentes, de l'obscurité des rues, du mauvais temps. Leur voix était comme intérieurement baignée de douceur. Elle tourna autour d'une église et, montrant une petite porte, prononça « C'est là, voyez, sonnette des sacrements. » Monsieur Mazelin sonna. Il vint une espèce de bedeau qui lui expliqua qu'il allait s'habiller pour le conduire chez monsieur le vicaire. La pierreuse était demeurée près de lui. Elle demanda « C'est pour votre femme ?»« Oui, » fit-il. « Quel âge ?»« 56 ans. »« C'est bien jeune encore pour s'en aller. » »« Alors c'est plus triste. » Le bedeau reparut. La pierreuse fit comme une révérence. Monsieur Mazelin lui mit 5 francs dans la main. Une seconde, elle regarda le billet d'un air indécis, puis conclut, l'acceptant. « Au jour comme maintenant, on n'a pas le droit de perdre son temps. » Mais elle dit aussi « Adieu, mon pauvre monsieur. »« Adieu, madame, » répondit Monsieur Mazelin, « tous mes remerciements. » Durant qu'il remontait vers les Batignolles, accompagnant le vicaire silencieux, porteur des huiles saintes, il se sentait ému d'une autre émotion que tout à l'heure, sans savoir pourquoi, étrange, pitoyable, alangui. C'était « Les sacrements » par Pierre Mille.